Oui, c'est vrai. T'as raison. Les sacs en plastique, quand on les met pas à la poubelle, ça pollue. Puis c'est pas bon pour la nature. Mais inquiète pas, le mien, je vais le ramener à la maison pour le mettre au recyclage. Je prends soin de l'environnement, moi aussi. Mais j'y pense, Miguel, comment ça se fait que les fantômes nous ont pas attaqués, papy et moi? C'est que... c'est à mon tour de surveiller la plage aujourd'hui. Mais tu comprends, d'habitude, les bateaux osent même pas approcher des côtes. Ça fait des mois que je surveille et j'ai jamais vu personne. Pareille belle journée. Restez à scruter l'horizon. Avec tous les bleuets qui attendent juste moi pour se faire manger. J'ai pas pu résister. En passant, j'espère que Lunel sait ce qu'elle fait. J'ose pas imaginer le savant que mon père va me passer s'il apprend que j'ai laissé un bateau accosté sur l'île. C'est qui ton père? Il s'appelle François. Pis c'est l'homme le plus fort du village. Ça fait qu'il y a personne qui aime ça le mettre en colère. Il a le même prénom que mon grand-père. C'est mon grand-père Germain qui l'a appelé comme ça en souvenir de son meilleur ami. D'où vient ton grand-père s'il n'est pas descendant des naufragés? Il s'est enfui de son village quand il était jeune pour échapper à la femme que son père voulait le forcer à épouser. Il a voulu se cacher quelque temps sur notre île. C'est comme ça qu'il a découvert le village. Il a rencontré ma grand-mère, puis il a décidé de rester vivre ici. Sais-tu, Miguel, papy m'a parlé de la même histoire et de son ami Germain. Je pense bien que le meilleur ami de ton grand-père, c'est mon papy François. Hein? Mon père va pas en croire ses oreilles. On pourrait peut-être emmener mon grand-père voir le tien. Qu'est-ce que t'en penses? Ça sera pas possible. Mon grand-père est parti l'année passée pour un long voyage avec Lunel. Oh, ouais? C'est dommage. En tout cas, papy va être content de te connaître et de savoir que t'es le petit-fils de son meilleur ami Germain. Oh oh! Quoi? Regarde, ils arrivent. Super! Papy, je me suis fait un ami. Il s'appelle Miguel. Tu me croiras jamais. C'est le petit-fils de ton ami Germain. Il habite ici, sur l'île. Il y a un village secret. Il n'y a même pas de fantômes. C'est juste pour faire peur au monde. Il connaît des super chansons, Miguel. Viens, je vais te le présenter. Ok. Papy, c'est Miguel. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon garçon. Content de te connaître. Comme ça, j'avais raison. Germain s'était bien enfui. J'ai jamais cru à son naufrage. C'était un marin hors pair. Tu lui ressembles beaucoup. Aimes-tu la mer, toi aussi? Oui, monsieur. Parfait. Je suis sûr que tu feras un grand marin, toi aussi. Marine, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Une nouvelle? Oui. Je viens d'avoir une longue conversation avec Lunel. Elle m'a fait une proposition que je peux pas refuser. Oh, ouais? Tu sais que j'ai toujours rêvé de naviguer sur un vrai vaisseau, n'est-ce pas, ma chouette? Ouais, un trauma de 26 tonneaux qui t'amènera autour du monde à la seule force du vent. Tu me l'as raconté assez souvent. Oui. Eh bien, ça y est. Je vais enfin pouvoir faire mon voyage. Pour vrai? Mais avec quel bateau? Avec le bateau de Lunel. C'est un vaisseau magnifique. Une frégate solide et équipée pour parcourir le monde. Je pars pour un très long voyage. Est-ce que je peux venir avec toi? Je suis désolé, ma belle, mais c'est impossible. Il n'y a pas de place pour toi sur ce bateau-là. Oh, quand est-ce que tu pars? Aujourd'hui. Le bateau est prêt à partir, il nous attend. Aujourd'hui? Mais tu as presque pas réfléchi. Tu pourras pas attendre un peu? Ma chouette, Lunel doit partir aujourd'hui. Elle est venue me chercher pour que je l'accompagne. Comment ça, venue te chercher? Puis comment elle pouvait savoir? Je crois qu'elle est un peu magicienne. Puis moi, qu'est-ce que je vais faire ici toute seule? J'y ai pensé. Inquiète-toi pas. Lunel m'a assuré que Miguel prendrait soin de toi et qu'il pourrait te ramener à la maison avec mon bateau. Mais Miguel peut pas quitter son île. C'est un secret. Miguel est déjà un très bon marin. D'ailleurs, ici, tout le monde pêche la nuit. Miguel a l'habitude. Il te déposera sur la plage pendant la nuit et il reviendra ici. Personne ne saura rien chez toi. Mais le bateau et papy, tout le monde va vouloir savoir ce qui s'est passé. T'inquiète pas pour ça, Marine. Je me charge de tout. Vous êtes vraiment magicienne? En quelque sorte, oui. Bon. Est-ce que c'est vrai, Miguel? Tu sais conduire le bateau? Tu vas pouvoir me ramener chez nous? Bien sûr. Je suis heureux de savoir que je peux compter sur toi, mon garçon. Marinette, il va falloir se dire au revoir. Ouais. Tu devrais nous chanter la chanson, François. Ce serait une belle façon de se dire au revoir. La chanson? Ouais, souviens-toi. La chanson. Oh!